ici par petits tas. Jusqu'à la lie, le vin se boit. Du haut du mât, je t'aperçois. Ils sont de quoi pour d'autres fois. Semé par-ci, laissé par-là. J'ai ainsi mis assez de moi. Que ces appâts guident de tes pas. Jusqu'à l'endroit où repose avec moi. Pour cela une forêt de choix. Les mots s'éclosent tout bas dès l'oreille de toi. De demi-quoi à demi-voix, chemine à moi.